Les participants au 5e festival international en l'honneur des grands hommes Baekdusan ont visité le 14 courant la maison natale du général Kim Jong-il à l'ancien camp secret du mont Baekdu. Ils ont tout d'abord déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant la fresque en mosaïque où figurent le président Kim Il-sung, le général Kim Jong-il et Madame Kim Jong-suk, héroïne anti-japonaise, érigée à l'ancien camp secret du mont Baekdu avant de rendre hommage. Auparavant, ils ont visité le grand monument de Samjiyun, transmettant les exploits révolutionnaires anti-japonais du président Kim Il-sung.